La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonjour cher public et bienvenue à une toute nouvelle émission de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de CIFU 89.1 FM qui frappe dans l'actualité à grands coups d'amour avec moi-même Sébastien Gartin et Lucas Hubert. Moi aussi je frappe dans la vie à coups d'amour. Oui. Bon, normalement on ferait notre tour de table, on compterait notre semaine tout de suite, mais en fait avant de faire ça, cette semaine on a quelque chose de spécial. En fait c'est qu'on voudrait dédier notre émission d'aujourd'hui à notre champion de la semaine. You are the best but you say you don't. Donc le champion de la semaine aujourd'hui, c'est une championne. Champion de la semaine, c'est quelqu'un qui s'est démarqué, c'est le mot que je cherchais, merci. Qui s'est démarqué dans l'actualité cette semaine. Et cette semaine, c'est Marine Le Pen. Évidemment. Est-ce que tu veux nous parler de Marine? Je vais vous parler de Marine. En fait, la vague bleue Marine n'a pas déferlé sur le Québec cette semaine. Non, en fait, elle a eu même beaucoup de difficultés. Elle est arrivée par surprise, en fait. Elle n'avait pas prévenu personne. C'est sur Twitter que officiellement ils ont annoncé qu'elle serait ici le jour où elle est partie. Donc, les gens ne savaient pas. Donc, première réaction, on a Philippe Couillard qui dit qu'il est hors de question qu'un membre du PLQ rencontre Marine Le Pen. Quand même. Ça commence bien. Ensuite, on a PKP qui dit que le PQ se distancie de ça parce que c'est aux antipodes des valeurs du Parti québécois. Bon, OK, la deuxième partie, lol, mais c'est, ça l'honore quand même. Bon, quand même. Oh, on a aussi Bernard Drinville, lui qui a été un peu plus radical. Il a été le pire, je pense, de la gang. Bernard Drinville a dit « Elle devrait juste retourner dans son pays. » C'est quand même drôle. C'est quand même drôle, surtout quand on sait c'est qui Marine Le Pen. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Marine Le Pen, c'est la fille de Jean-Marie Le Pen, qui est le fondateur du Front National, qui est le parti d'extrême droite français, qui, depuis l'existence de ce parti-là, dans le fond, font des gorges chaudes sur les problèmes d'écouteurs, Lucas. Ouais, non, mais c'est correct, j'ai réussi à replacer ça. C'est bon. Faut pas que je bouge. Problème technique. c'est de la bonne radio ce qu'on fait là. Mais non, c'est ça, c'est ça que ça fait les coupures. Hein. Mais c'est ça, Marine Le Pen, qui est la fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National. Le Front National, c'est le parti d'extrême droite français. Je dis ça juste pour retrouver où ce que j'étais. Dans le fond, eux autres ont fait des gorges chaudes depuis leur existence contre, entre autres, les immigrants pour plus de souveraineté locale et ainsi de suite. Ça a l'air d'être une bonne chose. En soi, mais non, en fait, c'est un parti qui veulent sortir tous les immigrants de la France, qui refusent d'accepter de l'immigration. Pour eux, l'immigration, c'est une attaque, c'est une invasion, c'est tout ce que tu veux. Plus récemment, ils ont fait campagne contre l'Union européenne. Paradoxalement, c'est au Parlement européen qui élise le plus de gens parce que, en fait, c'est encore un parti, même malgré le fait que ça fait quoi, 40 ans que ça existe, c'est un parti qui reste encore très marginal dans la politique française, même s'ils prennent une bonne place du discours public. Effectivement, parce qu'aussitôt, ils disent tellement des... C'est un peu le phénomène de Donald Trump, c'est qu'ils disent tellement d'imbécilité que les médias sont toujours obligés d'en parler. Parce que ça fait vendre la copie. C'est qu'ils ont dit encore cette fois-là, mais là, évidemment, ça leur donne de l'exposure, ce qu'ils veulent. C'est en fait aussi le parti qui avait repris, en gros, toutes les manifestations qu'il y avait eues contre le mariage homosexuel en France. C'est le parti qui a le plus profité, disons, de cette chose-là. Mais bref, c'est ça. C'est pas une personne qu'on s'attendait à voir venir au Québec et elle a pas été très bien reçue. Même François Legault s'est distancié. En fait, la seule personne dans la classe politique québécoise qui a accepté de la rencontrer, c'est Amir Kadir. Mais c'était de manière un peu ironique. Dans le fond, ce qu'il a dit, c'est qu'il voudrait bien la rencontrer juste pour le plaisir de mieux la traiter que ce qu'elle voudrait traiter les étrangers. Les immigrants, d'ailleurs. Les immigrants. Rappelons qu'Amir Kadir est né en Iran et qu'il a fui l'espèce de théocratie qu'il y a là-bas pour venir s'établir au Québec. Là. Et voilà. Bon, fait qu'en toute maturité, elle a répondu que, bon, la classe politique canadienne, c'est une gang de bisounours, particulièrement la politique d'immigration. Donc ça, on va faire une traduction français de France, français québécois. Les bisounours, c'est ce que nous, on appelle les calinours, en fait, pour des raisons évidentes quand ils ont amené les bisounours au Québec. J'ai pas besoin de dire pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de pas garder le nom français puis d'appeler ça les calinours à la place. Ouais. Moi, c'est parce que je l'ai lu, fait que c'est correct, je le sais, là, mais pour les gens qui écoutent, là, ils n'aimaient pas le mot bisoune dans Bisounours. Ben, mettons que la joke était facile à faire, surtout pour une émission pour enfants. Exactement, exactement. Bon, ensuite, dans les médias, ça n'était pas exactement la même chose, mais elle n'a pas nécessairement été mieux reçue. Ça a commencé avec la soirée du cinéma québécois où il y a un réalisateur qui a fait un discours contre Marine Le Pen. Il y a eu un standing ovation. Parmi les gens dans la salle qui applaudissaient, il y avait d'ailleurs notre chère ministre du patrimoine, Mélanie Joly. Vraiment, la classe politique canadienne et québécoise n'aime pas vraiment Marine Le Pen. Ce qui est en soi rassurant. Parce que dans les dernières années, on avait l'impression qu'il y avait de la dérive identitaire puis de la dérive xénophobe au Québec. Puis on se rend compte que non, quand même, y compris, tu sais, comme tu parlais de M. Copé, notre préféré, qui lui-même qui s'est distancé, même quand il y a eu des supposés militants du PQ qui ont supposément rencontré Marine Le Pen, finalement, c'était trois ticounes qui ont envoyé un courriel à son attaché de presse pour dire « Hey, on aimerait ça prendre un café avec vous. » Puis là, ça a été spiné comme si le PQ, la jeunesse du PQ embarquait. Alors que, puis PKP s'est distancé de ça complètement. Il a dit « Non, moi, le PQ officiellement n'accepte pas de rencontrer Mme Le Pen. On n'est pas d'accord avec son discours xénophobe. » C'est le fun. Ça fait changement. Effectivement, à savoir, est-ce qu'ils sont juste éloignés de la réputation ou des idées du parti? Ah ben là, ça c'est toute une autre affaire. Mais c'est au moins déjà la réputation, parce que ça serait payant. C'est du populisme à côté puis tout. T'sais. Fait que... On va y donner ce qu'on peut y donner. Ouais. Bon. Sinon, il y a Dominique Moret qui l'a bien reçu. Lui, il était bien content. Mais ce qui est très drôle, c'est que Dominique Moret, qui est un animateur de Radio X, lui, habituellement, il dénigre aussi le Front National, mais il dit que c'est un peu démagogique que les gens disent que c'est un parti d'extrême droite, parce qu'en fait, selon Dominique Moret, le FN est un parti d'extrême gauche. Puis c'est la raison pour laquelle il n'aimait pas trop le Front National. Là, supposément qu'il a changé d'idée quand ils ont rencontré Marie Le Pen. En fait, ça a un certain sens, ce qu'il dit au sens où en Amérique, la droite est principalement une droite économique, alors que sur le plan économique, le Front National est un parti extrêmement protectionniste. Alors, parce que la droite européenne, habituellement, c'est plus une défense culturelle, c'est plus une droite sociale, si on veut. Donc, ça avait quand même un sens, là. Je veux pas nécessairement rire de ça. Mais bon, il a oublié tous ses malaises avec elle, qui étaient principalement économiques, pour pouvoir s'asseoir avec elle et parler principalement d'immigration. De bonnes valeurs catholiques. Ah, oui. Non, bon. C'est ça. Donc, il a apprécié ça, parler d'immigration avec elle. Enfin, quelqu'un qui dit les vraies affaires, parce qu'on s'entend que Le Pen est rapidement devenue une spécialiste de l'immigration canadienne. Elle a été justement dans des médias pour dire qu'on traitait comme des bisounours nos immigrants. D'ailleurs, tu vas nous en reparler tout à l'heure. Oui. Il y a aussi Anne-Marie Dussault au 2460 à RDI qui l'a reçu. Et il y a LCN qui en ont fait la spécialiste qui a couvert les attentats de Bruxelles. Oui, qui est d'ailleurs une chose qui va être un peu en filigrane de tout ce de quoi on va parler aujourd'hui, d'ailleurs, même si on ne reviendra pas sur le sujet. On peut quand même se poser la question, à savoir, est-ce que Marine Le Pen est vraiment une spécialiste de l'immigration canadienne, de l'immigration belge et des attentats terroristes? Je me permets d'en douter, fait qu'elle n'avait pas rapport, là. Ben, c'est pas évidemment. Mal tout pour l'instant, mais c'est vraiment une émission spéciale. On va reparler un peu de Marine Le Pen. C'est ça. Ben, c'est ça va, c'est pour ça qu'on dit qu'on lui dédie notre émission aujourd'hui, parce qu'elle fait ça va tout tourner autour de ces sujets-là. Je pense qu'on a fait une belle... On va faire une petite trêve, là. Compte-moi ta semaine, Sébastien. Bon, ben moi, dans cette semaine, j'ai fait une promenade dans la forêt magique pour cueillir des arcs-en-ciel avec mes amis Bonheur, Plaisir et Joie. Parce que, bon, j'ai appris cette semaine que, justement, je suis un bisounours, apparemment. Parce que je suis d'accord avec la... En fait, moi, je trouve que la politique d'immigration canadienne est très bonne, en fait. On est même souvent cité comme un exemple de réussite dans l'intégration et dans l'immigration. Bon, puis même, je fais partie de ceux qui pensent même qu'on pourrait en faire plus, que ce qu'on fait là, ce n'est qu'un début. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que... Puis ça, d'ailleurs, justement, je vais en revenir là-dessus un peu en éditorial, mais très, très vite avant de se rendre là-dessus, le Canada est un des rares pays à intégrer les réfugiés et à ne pas seulement les parquer dans des bidonvilles. Dans le monde, nous autres, quand un réfugié arrive ici, on lui permet de refaire sa vie ici. Puis ça a été d'ailleurs prouvé qu'il y a un paquet d'avantages à ça, pour nous y compris. Moi, j'ai passé la semaine à me dire « mais quel idiote, sérieusement ». Puis ça a vraiment été ça ma semaine. Et toi, Lucas? Quand même. Bon, moi, j'ai un peu rigolé quand que j'ai appris que Justin Trudeau nommait des sénateurs. T'sais, il s'était démarqué justement contre les conservateurs en radiant, si on veut, tous les sénateurs libéraux du Sénat. Puis là, ben, on s'attendait à ce que finalement, il en fasse plus. Est-ce qu'il les a radiés ou il a simplement cessé de les inviter au Conseil des ministres et ces choses-là? Il a dit qu'il n'était plus des libéraux. Il ne les considérait plus comme... Donc, c'est il siège encore, mais en tant qu'indépendant. Bon, principalement, si c'est des gens à l'idéologie libérale, ils vont continuer à voter dans le sens des libéraux. Mais là, c'est ce qu'il a fait. Là, il a nommé des sénateurs, mais il a dit qu'il est nommé comme sénateur indépendant, tu sais, évidemment. Surtout que là-dedans, il a nommé André Pratt. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment pas un fanboy du Parti libéral, on va dire. Non, c'est ça, hein? Non, c'est ça. On se rappelle de la magnifique chanson que Laurent Paquin avait faite à ce sujet-là. Je m'en rappelle pas, moi. Tu t'en rappelles pas? Ben non. On va la mettre on va essayer de la partager après l'émission sur notre page Facebook. C'est vraiment très drôle. Ouais. Mais non, c'est ça, on aurait pu prendre ça au sérieux, la fameuse neutralité des nouveaux sénateurs libéraux s'il n'y avait pas eu André Pratt dedans, parce que sérieusement, ça n'est ridicule. Là. Sinon, j'ai vu une bonne nouvelle pour la bureaucratie québécoise, parce que d'un fond, on peut trouver que la bureaucratie québécoise est un peu kafkaïenne. Mais là, je me suis rassuré cette semaine, j'ai lu un article dans The Economist qui disait que en moyenne, un Italien passe c'est environ une vingtaine d'heures par semaine à faire la file. Pour diverses raisons, principalement bureaucratiques. Ce qui fait qu'en Italie, ils viennent de se créer un nouveau métier. C'est le métier de faiseur de file. Donc, tu peux te faire payer, tu peux avoir ça comme job. Dans le fond, tu publies des petites annonces dans le journal pour aller faire la file à la place des gens. Donc, tu fais la file, puis quand tu arrives sur le bord d'être servi, tu appelles la personne pour qui tu fais la file. « Hey, viens-t'en, tu es sur le bord d'être rendu. » C'est rendu un métier, là. T'es payé, tu peux être syndiqué, tu peux avoir vraiment... Oh, il y a des gens qui emploient ça. Surtout que je vais me vanter un peu, mais je suis allé en Italie dans ma vie. Puis en Italie, la notion de fil, ils croient pas à ça, eux autres. C'est tu te présentes en tas, puis tu te bats pour ta place. Ah ben quand même, c'est sympathique. C'était très drôle, moi c'était dans un voyage organisé, puis c'était très drôle de voir à un moment donné, quand on était dans un dépanneur, qu'on voulait acheter des sandwichs, puis de voir les gens, comme la gang de notre voyage, essayer de faire la file alors que les profs, puis c'était avec l'école, là, que les guides touristiques nous disaient « Mettez-vous pas un en arrière de l'autre, les Italiens, ça fonce. Ouais. » Fait que c'est bon. Fait que ça demande quand même des talents particuliers, là. C'est pas juste attendre. Ah, c'est dommage, parce que sinon, c'est quand même un bel emploi. J'aimerais ça. Il suffit d'avoir un téléphone intelligent, une coûte de série télé dedans ou un bon livre, puis t'es payé pour aller faire la file à la place de quelqu'un. Mmh. C'est génial. Mais bon. Sinon, cette semaine, moi j'ai été un peu offusqué par... Je sais pas si tu as déjà écouté l'émission L'Arbitre à VTL. Non. Okay, ben j'ai refusé d'écouter ça. Ben, j'avais refusé d'écouter cette émission-là pour exactement, probablement les mêmes raisons que toi, que c'est une espèce de parodie de la justice avec avec Anne-France Goldwater qui est supposément réputée. Moi, je trouve que honnêtement, ça enlève beaucoup de crédibilité au système de justice, surtout que ça soit justement si ça avait été juste un reality show qui se prenait comme tel, ou si ça avait été quelque chose qui avait en arrière un espèce de but éducatif de voir les lois, c'est quoi, de quelle façon ça fonctionne, ça aurait été super correct. Surtout que tu sais, justement, il avait engagé quelqu'un qui avait déjà une réputation sur le sujet. Mais non, finalement, c'est une grosse farce. Ouais, cette show-là. Moi, j'avais écouté le contenu. Hein? Ouais. Je l'avais écouté une fois parce que j'avais une amie qui était là, puis j'étais curieux, puis j'avais vraiment été déçu. Mais bref, cette semaine, en fait, la semaine passée, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont passé... je vais lire ici l'annonce. C'est un étudiant en arts visuels qui poursuivait un camarade de classe et son ex-meilleur ami pour avoir liké puis déliké une œuvre qu'il avait affichée sur sa page Facebook. Bon, au-delà de l'épineuse question de la valeur d'un like sur Facebook, l'arbitre est déterminé à réconcilier les deux artistes en herbe. What the fuck? Ça s'est avéré, en fait, que c'était un peu des trolls qui s'étaient inscrits pour rire, puis que finalement, V a pris ça pour sérieux, ou V s'est dit qu'il y avait moyen. Mais sérieusement, qu'une personne qui fait partie du barreau ou du Québec prenne le temps de considérer un cas comme ça... je trouve que c'est vraiment une farce incroyable, puis qu'après ça, on peut bien avoir des gens qui sont pas trop informés, qui sont découragés du système de justice, puis qu'on dit « Ah, c'est bien, c'est... non, regarde, ça donne cette image-là. » Puis une personne sérieuse, une personne qui fait partie du barreau du Québec, une personne qui a étudié en droit, ne devrait pas prendre part à cette farce qu'est l'arbitre à VTL. Puis on s'entend d'ailleurs que Anne-France Goldwater n'a pas été choisie pour sa retenue et sa rigueur intellectuelle. Non, effectivement, je tombe souvent malheureusement sur elle en entrevue et c'est un peu triste là. D'ailleurs, elle se disait fermement conservatrice avec comme principal argument qu'elle trouvait que Stephen Harper était bel homme. Ben, okay. Ouais, puis après ça, Canada, en même temps, elle se bat pour les droits des femmes et puis tout le kit. C'est vraiment très drôle. Non, effectivement, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Mais bref, ça fait pas mal le tour. C'est ça. Pour se remonter le moral un peu, on va aller en musique avec Carquois et la chanson Deux lampadaires. Alors, c'était Carquois avec deux lampadaires, pas trois, pas un, deux lampadaires. Donc, merci Louis-Jean Cormier de nous calmer un peu. Fait que je suis rendu, en fait, à mon éditorial. C'est sur quoi? C'est sur quoi? C'est sur les réfugiés. Ben oui, on va encore parler de ça. Parce que, bon, pour qui m'écoute à Assemblage requis, ça fait une couple de semaines que j'en parle déjà, parce que ça parle de mon sujet de maîtrise dans ce temps-ci. Fait que, un fou d'une poche. Donc, plus particulièrement, ben, on sait, il y a eu les attentats de Bruxelles, c'est mardi. Je crois que ça a eu lieu. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Non, c'est ça, c'était mardi. Puis bon, là, évidemment, on a les mêmes réactions. Là, ça nous rappelle encore les deux attentats qui ont eu l'année dernière en France. Là. Comme à ces fois-là, ben évidemment, il y a les faiseaux d'opinion qui embarquent là-dedans. Puis une des choses qui revient, ben c'est les réfugiés, on le sait, les réfugiés, c'est dangereux. Puis ça relève un peu cette espèce de crainte-là qu'on a des réfugiés, puis qu'il ne faudrait pas en accepter finalement. Bon, l'argument qu'on va nous dire souvent, c'est que ouais, mais il va y avoir des agents du Daesh, tu sais, du groupe armé État islamique qui sont infiltrés là-dedans. Très important de spécifier d'ailleurs en passant, là ça se veut éducatif un peu, groupe armé État islamique, parce qu'on ne le reconnaît pas comme un État en bonne et due forme. Parce que, bon, eux autres se considèrent comme un califat, c'est-à-dire comme une espèce de monarchie divine musulmane, là. Islamiste, en tout cas, ce que vous voulez. Mais même la plupart des musulmans ne les reconnaissent même pas comme tels. Évidemment. Ils ne sont pas assez vraiment musulmans pour s'appeler vraiment un califat, là. Ils ont pris juste les bouts qui faisaient leur affaire, évidemment. Ouais. Comme la plupart, d'ailleurs, des radicaux religieux de tout genre. Donc, c'est ça. Puis premièrement, d'ailleurs, petite parenthèse, je lisais un truc ce matin qui était un peu drôle parce que ils ont sorti l'espèce de communiqué du groupe armé État islamique où est-ce qu'ils revendiquent l'attentat de Bruxelles. Puis le communiqué est tellement vague, puis il y a tellement des erreurs factuelles dedans qu'ils disent, en fait, ça se peut que ce soit même pas quelqu'un qui était relié à eux autres. D'ailleurs, l'enquête, ils ont déjà trouvé un peu c'était qui pouvait l'avoir commencé. Puis l'enquête tant à faire croire que c'était peut-être même pas tant que ça des gens reliés au groupe armé État islamique, puis ils sont juste en train de récupérer. Ben ça, ils disaient déjà ça dans le temps d'Al-Qaïda. En fait, c'est qu'Al-Qaïda ne va pas tellement recruter. En fait, c'est une des raisons que c'est dur, difficile de faire un lien, comme beaucoup en font, de dire ben on va aller combattre l'État islamique pour essayer qu'il y ait moins de terrorisme ici. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est des gens qui se radicalisent par eux-mêmes, par leurs propres moyens, puis qu'à un moment donné, ils font comme bon, ben je vais faire ça pour l'État islamique, mais qu'en fait, ils ne connaissent ni Dev ni d'Adam. C'est un petit clin dans son sous-sol qui va beaucoup trop sur l'underground du web. Puis pourquoi est-ce qu'ils se radicalisent ces petits clins-là dans leur sous-sol? Parce qu'on les intègre pas, Colin. Bref. Bien dit. Donc, c'est un peu là-dedans que je vais m'en venir, c'est que on est bien fort en Occident, apparemment, pour tenir la ligne dure quand que ça va pas bien. Puis tout ça, c'est probablement nos relents de christianisme, peut-être. Mais souvent, en fait, la générosité est pas mal plus payante à long terme, en tout cas dans ce domaine-là. Puis je sais de quoi se parle parce que je fais ma maîtrise là-dessus. OK. Argument d'autorité. Donc, mais en fait, c'est ça, c'est que, bon, les faiseux d'opinion, les Richard Martineau de ce monde, tout ce que vous voulez, les sections opinion sur les articles du HuffPost, ce que vous voulez, sont en train de nous dire que là, présentement, Marine Le Pen avait donc raison. Puis c'est là qu'on y dédie encore cette partie-là de l'émission. Avait donc raison de nous mettre en garde contre les méchants immigrants, puis particulièrement les réfugiés, parce que, bon, les réfugiés, on s'entend, c'est un peu chaotique, c'est un peu... le monde arrive par des espèces de bateaux artisanaux, là, puis c'est broche à fond au bout, puis tout, fait que c'est très dur de savoir, puis il arrive beaucoup. Là, on parle de l'Europe, évidemment, parce que les réfugiés qui se rendent jusqu'en Amérique, ben, tu sais, il faut qu'ils prennent l'avion pour se rendre. On s'entend que c'est pas dans une chaloupe que tu traverses l'Atlantique Nord. Contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est à peu près 9 heures d'avion de l'Europe centrale au Québec. Ouais, quand même. Quand même. On s'entend que avant qu'ils rentrent dans l'avion, il y a déjà un gros screening process qui a lieu. Screening process, beau terme francophone. c'est ça. Serais-tu en train de nous dire que comme Régis Labeaume et Martineau sont dans le champ? Ben peut-être, hein. Là, je suis un peu choqué. Là, parce c'est rare, hein? Tu sais, c'est tellement des gens d'habitude qu'on peut se fier à leur opinion, qui sont vraiment bien informés et qui sont pas du tout populistes dans la vie. Juste la bombe, il a étudié en sociologie. Ouais. Ouais. Il le dit, là, il faudrait que les gens s'en prennent aux mosquées radicales. Ben oui. Parce que ça va vraiment régler les problèmes. Ça va. C'est sûr que de créer encore plus d'antagonistes, surtout par rapport à les gens qui se rencontrent pour discuter, c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment comme ça qu'on va comme les empêcher de devenir violents, en étant violents avec eux autres. C'est vraiment Évidemment. Une bonne idée. Mais d'ailleurs, Richard Martineau a dit ça aussi dans une chronique cette semaine, qu'on devrait s'en prendre aux mosquées radicales. Puis honnêtement, je me suis demandé, merde, est-ce qu'ils viennent de traverser une ligne? Moi, je ne l'ai jamais vu traverser la ligne. Il faisait beaucoup de dog whistling. Il disait souvent beaucoup de propos très xénophobes, mais c'est carrément de l'incitation à la haine. Là. Prenez-vous-en une mosquée. Effectivement. Puis là, en fait, on dévie vraiment beaucoup du sujet de mon éditorial pour aller à ce qu'on était supposé de parler plus tard dans l'émission. Mais on va y revenir de toute façon. Mais moi, c'était vraiment pour, encore là, faire un plaidoyer pour qu'on ne se base pas sur ces attentats-là pour refuser des réfugiés. Pourquoi je dis ça? Ben, premièrement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les fameux réfugiés syriens, entre autres, que Justin Trudeau avait promis qu'on recevrait. D'ailleurs, on a reçu pas mal, si je me rappelle bien. Je pense que les 25 000, on les a reçus, mais évidemment, oui, on va en recevoir d'autres cette année. C'était pour 2015, ça. Mais c'est ça, on va en recevoir cette année. Bien, premièrement, la très grande majorité de ceux-là, c'est les gens qui... En fait, pas la majorité, l'entièreté des réfugiés syriens, c'est des gens qui fuient l'État islamique, justement, le groupe armé État islamique. Ils fuient cette guerre-là, cette guerre religieuse-là. C'est pour la plupart des gens qui sont quand même... peu religieux, donc le fait de les taxer de musulmans radicaux, c'est très difficile. C'est quelque chose c'est vraiment de prime abord de l'ignorance, en fait, qui ferait dire ça. En plus de ça, je lisais cette semaine dans un très bon article de Boisvert dans La Presse qui traitait un peu du sujet, puis qui disait, entre autres, il y a même une relativement bonne proportion de ces Syriens-là qui sont en fait de confession chrétienne. Ils sont même pas musulmans carrément, là. Fait que je sais pas c'est quelle proportion. D'ailleurs, eux autres, c'est ceux qui ont probablement le plus hâte de se rendre ici parce qu'ils sont encore plus persécutés que les musulmans tranquilles, mettons, on va dire. Il y a aussi à dire qu'il peut y avoir une espèce d'incitatif à eux quand ils remplissent leur formulaire de demande d'écrire qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils savent que principalement, beaucoup de pays occidentaux vont faire passer ceux-là en premier. Même si théoriquement, ça, c'est de la... ça devrait pas se faire, là. C'est de la ségrégation, en fait. Effectivement. Mais c'est Jeb Bush aux États-Unis qui avait fait exactement ça, qui avait dit « on va laisser rentrer juste les réfugiés chrétien », puis il y avait un journaliste qui avait demandé « Mais comment est-ce qu'on va le savoir? » Puis il avait répondu « il doit bien y avoir des preuves, là, on va le savoir. » Ça s'appelle du populisme. Donc, très vite, je vais me dépêcher parce qu'on embarque trop dans un sujet, puis... mais ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est que c'est des gens qui fuient cette guerre-là en Syrie, puis dans le Moyen-Orient. En plus de ça, ben, tu sais, l'argument qu'on va nous dire, c'est comme, oui, non, effectivement, c'est pas la majorité qui sont dangereux, mais tu sais, il peut y en avoir quelques-uns qui s'infiltrent là-dedans quand même, puis tout. Puis, ben, pour une coupe de pommes pourries, est-ce que vraiment ça justifie de laisser des milliers de personnes dans le trouble? Je pense que non, premièrement, juste de par le nombre, en fait, que tu punis pas la majorité à cause de la minorité, même si on fait bien gros ça dans un cours d'école, c'est pas de même que la vie fonctionne, je tiens à le dire. Puis l'autre chose aussi, c'est que, ben, regardez, s'ils passent pas par là, de toute façon, si vraiment, là, puis là encore, ça c'est quelque chose qu'en fait, on propose comme une évidence, puis en fait, ça n'est pas tant une, parce que on le sait pas dans le fond. Surtout d'ailleurs ceux qui traversent l'Atlantique, comme je disais, il y a quand même un screening process de fait qui est beaucoup plus complexe que juste vous avez un passeport syrien, c'est correct qu'on vous accepte. C'est vraiment pas rien que ça, là. Les gens ont des trucs à fournir, ont des informations à fournir, puis c'est ça, c'est pas aussi simple que c'est pas comme aller en vacances, là. Une demande de réfugié, je vous garantis qu'il y a un monceau de paperasse à remplir. Il y en a un tas. Donc, de toute façon, est-ce que vraiment ces apprentis terroristes-là ou ces terroristes en terroristes qui voudraient, puis là, je vais le mettre ça bien au conditionnel parce que, comme je vous dis, moi, je ne suis pas si certain que ça, que c'est tant que ça un chemin qu'ils prennent, mais de toute façon, même si finalement on n'accepte aucun réfugié, on décide de se refermer complètement puis d'accepter aucune forme de réfugié parce qu'on a peur, bien, ils vont trouver un autre moyen de rentrer pareil. De toute façon, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au Canada, c'est que c'était pas des réfugiés, c'était des Montréalais. Ben c'est ça, c'était des Montréalais qui étaient de puis ça a toujours été ça, c'est le nerf de la guerre, c'est les immigrants de deuxième génération puis de troisième génération. Deuxième et troisième, ce que ça veut dire, deuxième génération, c'est que leurs parents ont immigré, puis les troisième, c'est que c'est leurs grands-parents qui ont immigré. Puis c'est ceux-là, c'est quand on est rendu à troisième génération, puis qu'ils sont aucunement intégrés à la société québécoise, qu'ils se sentent encore rejetés, il y a un Christi de problème. C'est là que ça accroche. C'est là que, puis même chose en France, je veux dire, pourquoi est-ce que ça, qu'est-ce qui justifie tellement les espèces de ghettos en France? Ben c'est qu'ils les intègrent pas. Puis c'est ça le problème, c'est qu'à force de considérer qu'il faut leur mettre des exigences puis des trucs comme ça, ben ça se revire contre eux autres, puis c'est ces gens-là qui se sentent rejetés puis qui deviennent, oui, qui peuvent devenir violents par rapport à ça avec le temps. Donc c'est là qu'il faut faire c'est là qu'il faut travailler, puis c'est pas sur le formatage puis vous avez telle exigence à remplir puis tout, c'est non, au contraire. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que la générosité des fois est plus payante. Ben merci beaucoup. Ben ça m'a fait plaisir, puis ben oui, c'est ça. En fait, ça conclut pas mal ce que j'avais à dire. On serait rendu en pause, je pense. On s'en va en pause, on vous revient. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou. .ca. 89.1. Rebonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de CIFU 89.1 FM, où la modération a bien meilleur goût. Oh, t'as réussi à le dire sans faire de fourche-langue en plus. Ouais. Bravo. Alors, on est de retour. Ce serait l'heure. Habituellement, on fait un petit segment sur ce qui se passe aux États-Unis. Nos voisins du l'herbe ouais, est toujours plus jaune chez le voisin du Sud. Exactement. Mais là, on s'est dit que cette semaine, en fait, avec ce qui s'est passé, on est quand même. On voulait peut-être se faire une petite fleur puis se dire que, bon, peu importe nos opinions sur l'indépendance puis tout, on voulait se faire une petite fleur pour se dire que l'herbe est un petit peu plus verte au Canada, en fait. Donc, voilà. Moi, je voulais vous parler du budget, principalement, qui a été déposé cette semaine. Ça a un petit peu passé entre les plis avec tout ce qui s'est passé avec Le Pen, avec les attentats, tout ça. Mais c'était quand même un budget qui était assez intéressant. Un déficit de 30 milliards. Bon, beaucoup de médias, d'ailleurs, beaucoup de gens de la classe politique en sont pas revenus. On a Adrien Pouliot, du Parti conservateur du Québec, qui a dit « Hey, ça, c'est, les gens pensent que c'est pas beaucoup, hein, 30 milliards, mais hey, juste pour vous donner une idée, 1 milliard, c'est à peu près 65 000 Honda Civic. » Ben oui. Est-ce qu'il a traité Justin Trudeau de melon d'eau? Ah non, pas encore. J'imagine que ça s'en vient. Bon, mais d'ailleurs, ce que je trouve drôle, c'est que la plupart de ces gens-là ne critiquaient pas le gouvernement conservateur quand il a fait 2 de ses 8 budgets qui dépassaient les 30 milliards de déficit. Puis on s'entend que des budgets équilibrés chez les conservateurs, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais comment non. Ça se fait que la gang pour la rigueur puis tout ça ont tant fait de déficit? C'est à cause de l'armée. Ben oui, c'est sûr. Moi, je trouvais que c'était un peu là, de l'affication à géométrie variable. Bon. D'ailleurs, en 2009, c'était 55 milliards, hein, le déficit des conservateurs. 55, c'est presque le double. Je dis ça de même, puis moi, ça ne m'a pas dérangé particulièrement, mais ça ne l'a pas dérangé non plus aux gens qui s'offusquent aujourd'hui particulièrement. Ça, je trouve ça un peu drôle. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une dette comme ça d'un pays, 30 milliards, là, c'est parce que c'est une dette qu'on se doit à nous-mêmes de toute façon. Fait que c'est pas... En partie. C'est pas comme si le gouvernement devait de l'argent de banque puis faisait des dépôts à tous les mois pour repayer. C'est pas exactement comme ça que ça marche. C'est un petit peu plus compliqué de même. Contrairement à ce que M. Pouliot essaye de nous mettre dans la tête, comme quoi est-ce qu'un gouvernement, c'est juste comme une grosse famille, là. Évidemment. Moi, ça, d'ailleurs, le Parti libéral aussi fait la même chose. Hein? Ouais, le Parti libéral du Québec, qui pourrait peut-être changer de nom avec le temps, question d'être un petit peu plus authentique, excusez-la. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il y avait dans ce budget-là? Il y avait principalement, une création d'une allocation pour les enfants. Ça, c'est pour remplacer des crédits d'impôt pour les familles que les conservateurs avaient mis en place et remplacer le PUJ, qui était l'équivalent que le gouvernement conservateur essayait de mettre en place. Donc, finalement, c'est ce programme-là, en tant que tel, est autofinancé. Donc, il abolit plusieurs structures pour en faire juste une plus simple, qui va être non imposable, contrairement au chèque que le gouvernement conservateur envoyait aux familles. Et que le montant du chèque aussi va être augmenté, ce qui va être bien, surtout pour les familles à faible revenu. Qui est de toute façon ceux qui n'ont besoin à la base. Là. Effectivement. J'ai vu pour une famille qui gagne moins que 30 000 par année, ça va passer de 10 000 à 11 500 à peu près. Quand même. C'est pas rien, ça fait du bien. Il y a retour à l'ancien système de chômage. Donc, toutes les réformes de l'assurance-emploi qu'on avait vues, qui a fait que, disons, surtout les gens dans les provinces maritimes qui étaient obligés de quitter leur province pour aller se trouver un emploi dans lequel ils n'ont pas étudié, dans lequel ils étaient sous-payés vis-à-vis de leur diplomation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les provinces maritimes, il y a beaucoup de gens qui vivent d'industries saisonnières, comme la pêche notamment. Puis, eux autres sont une partie de l'année sur le chômage. Puis là, on leur donnait on les exigeait des conditions vraiment impossibles. Fallait qu'ils fassent, je sais plus c'était combien de centaines de kilomètres qu'ils pouvaient les faire déplacer pour travailler. Exactement. Là, c'était puis ridicule. Ils pouvaient descendre aussi d'échelle salariale énormément. Normalement, au chômage, si normalement tu gagnes une certaine échelle salariale, ils vont dire que c'est normal que tu refuses des emplois qui sont en bas de tel seuil. Ça, il avait descendu ça énormément. Donc, si, disons, tu gagnes 100 000 par année, tu tombes sur le chômage, ils vont dire c'est peut-être normal que tu refuses un emploi à 20 000 par année. Bon, ça, même à 50 000 par année. Oui, tu sais, c'est ça. Mais bon, ça, c'est revenu. Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'investissements dans les infrastructures. Il y a l'âge de la retraite est remis à 65 ans. Donc, on laisse faire la retraite à 67 ans, ce qui est encore une bonne chose, à mon avis. Bon, il y a une augmentation de 50 % des bourses étudiantes fédérales. Ouais, nous autres, on ne se plaindra pas. Hein? Ben non, mais c'est ça. De toute façon, dans le filon, on n'est pas subventionné jamais. Fait que ça ne change pas grand-chose. Il y a 8,4 milliards pour aider les Premières Nations. Que, ben, eux autres, c'est parce qu'ils ont vraiment un gros recul par rapport aux non-autochtones. Souvent, c'est insalubre les endroits où ils vivent parce que justement, il n'y a pas eu d'investissement. Souvent, ils n'ont pas l'électricité. Ils peuvent avoir souvent des toilettes à l'extérieur. Puis une des choses aussi, c'était que les jeunes qui vivent dans des réserves autochtones présentement, je pense qu'il y en a... J'ai 87% dans la tête, mais ça se peut que je me trompe avec d'autres choses, là, mais c'était un chiffre assez énorme, le pourcentage de ceux qui ne finissaient jamais leur secondaire. Oui, aussi. Ça aussi, c'est vraiment troublant. Mais ça va leur donner un petit peu d'oxygène. Il y a un retour des crédits d'impôt pour les investissements dans les fonds de travailleurs, comme la Solidarité FTQ. Et il y a un 5 millions, ça c'est intéressant, un 5 millions qui va être ajouté à l'aide judiciaire pour les plus pauvres. Donc, ça aussi, on s'entend que dans une démocratie, c'est un strict minimum qu'une personne qui n'a pas les moyens de se défendre en cour soit aidée par le gouvernement. C'est vraiment un strict minimum. Bon. Il y a ensuite une réouverture de centres pour les anciens combattants, ce qui est drôle parce que normalement, traditionnellement, le parti ami de l'armée, c'est les conservateurs, mais pourtant, ils sont mis à dos beaucoup les vétérans. Comme le disait Martin Forgue, l'ancien militaire, qui est devenu écrivain, il disait que c'était une belle preuve que les conservateurs aiment les soldats, mais seulement quand ils sont en santé. Oui, c'est bien dit. Bien dit. Ensuite, pour Trois-Rivières, la bonne nouvelle, 30 millions d'investissements pour les victimes de la pyrotite. Il était temps, effectivement. Donc ça, honnêtement, c'est vraiment un beau travail qui a été fait de la part de tous les candidats, de tous les partis, sauf les conservateurs. C'est les seuls qui n'avaient pas rien promis. Sinon, tout le monde a travaillé main dans la main, les libéraux, les gens du NPD. Ça, vraiment, c'est un beau cas de où les gens ont passé par-dessus la partisanerie. Effectivement. Puis parce que ça pas... En même temps, c'est les maisons des gens, là, tu sais. Effectivement. Et bon, pour finir, des investissements massifs dans Radio-Canada à hauteur de 600 quelques millions. Par contre, ils vont maintenir en poste Hubert Lacroix, celui qui est président de Radio-Canada, qui avait été mis à son poste justement par le gouvernement conservateur et que c'est presque un secret de polichinelle qui avait pour mandat de tranquillement pas vite démanteler de Radio-Canada. Donc, c'est un peu drôle qu'ils fassent des réinvestissements, mais qu'ils gardent ce type-là. D'ailleurs, la tour de Radio-Canada est à vendre, si vous êtes intéressé. Contactez Infoman. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, Hubert Lacroix est ressorti hier pour dire aux médias que il ne reculerait pas dans les coupures qu'il a faites, malgré le nouveau réinvestissement. Donc, on va quand même ne pas avoir de nouvelles régionales. On va quand même... Bon, je ne sais pas, ils vont faire quoi avec cet argent-là. Ils veulent investir beaucoup sur les plateformes web. C'est intéressant, mais il ne faut pas oublier la Société d'État a un mandat à remplir et que présentement, ils le remplissent à peine. Donc, ce serait peut-être bien de retourner à ces choses-là. Mais c'est un peu bizarre. Un nouveau réinvestissement et on garde le bonhomme qui a coupé partout. Effectivement, mais je pense que c'est parce qu'en fait, ils sont obligés de le garder parce que tu ne peux pas rompre un contrat de travail si facilement que ça non plus. Puis peut-être qu'ils ont calculé que ça va coûter plus cher. L'affaire, c'est que c'est renouvelable aux 4 ans et que c'est dû là. C'est dû là? C'est dû pourtant, pas mal dans ces dates-ci. Mais c'était pas un de ceux, justement, que Harper avait re-signé comme d'avance pour avant la fin des... de son mandat. Je pense que ça en était un, lui, justement. Ça, c'est possible, par contre. Sinon, ça a fait pas mal le tour du budget. Moi, j'y vois un gros déficit, mais des bonnes nouvelles. Et en même temps, un déficit, j'ai de la difficulté à voir ça comme quelque chose de très grave. On n'a pas un huissier qui vient cogner à la porte. On est loin de là encore. Il faut quand même garder en tête que le Canada est quand même un des pays qui a une des meilleures cotes de crédit dans le monde. Parlant de budget fédéral, toi, tu voulais nous parler de la souveraineté? Oui, parce que je dédie cette partie de l'émission à Marine Le Pen. Qu'est-ce que la souveraineté? Parce que bon, on entend parler souvent avec le PQ, entre autres, puis bon, là, on mêle des fois souverainisme et indépendantiste. Marine Le Pen, entre autres, elle est venue, une des raisons qui l'a amenée au Québec, c'était pour venir parler de la souveraineté du Québec, pour dire que c'était le même combat que le combat du Front National en France qui veut la souveraineté de la France par rapport à l'Union européenne. Attends, c'était pas déjà un État souverain, la France? Ben oui. Ah, okay, justement. Je comprends. Justement. C'était pour montrer, entre autres, que c'était de la grosse bullshit, d'ailleurs, quand elle disait ça. Bon, premièrement, définition très générale. Qu'est-ce que la souveraineté? La souveraineté, c'est l'autorité suprême, selon le dictionnaire Larousse 2011, que j'ai chez nous. Acheté dans une bio-vente, d'ailleurs. non, c'est ça. Autorité suprême, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que, dans le fond, c'est la personne ou la structure ou la personne morale ou peu importe qui a le pouvoir dans un contexte donné, mettons. Dans nos démocraties, on a un concept qu'on appelle l'égalité morale de tous les citoyens. C'est-à-dire que du moment qu'on est... Bon, avant l'âge de la majorité, là, c'est un peu différent, mais dès l'âge de la majorité, chaque personne est également souveraine d'elle-même, dans le fond. On a nous-mêmes l'autorité suprême sur nous-mêmes. Bon, on peut contradire ça par rapport à, par exemple, dans les monarchies où c'était le roi qui avait l'autorité suprême. Non, nous, on est vraiment notre propre souverain, sauf que pour des raisons de faire fonctionner la société, parce que l'être humain est un animal social, rappelons-le, on a besoin de vivre en société pour que ça fonctionne. Puis là, j'ai vraiment pas le goût de commencer à expliquer pourquoi. Fait que si vous me croyez pas, ben lisez, Colin. Ben, on remet, dans le fond, notre souveraineté personnelle, on la remet à des représentants. C'est ça qui est les élections, dans le fond. C'est pour ça, d'ailleurs, que la démocratie, c'est important. C'est parce que ben, c'est le moment où ce que on va faire acte de dire, bon, ben cette personne-là, je lui remets ma souveraineté pour qu'elle puisse gouverner en mon nom pour les prochaines années. Là, évidemment, l'anarchiste qui est en face de moi dans le studio n'est pas d'accord, mais bref, là, c'est des questions sémantiques. Par exemple, quand on parle de... Là, nous autres, on est dans une démocratie parlementaire, fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce le meilleur système? Probablement que non, mais en tout cas, c'est celui avec lequel on est pris. Puis là, je me veux dans une perspective de description. Donc là, je veux pas commencer à critiquer est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. L'anarchisme, puis on s'entend, c'est pas péter des vitres, puis toute l'anarchie, là encore, lisez Noam Chomsky en passant. C'est pas juste ça, puis c'est entre autres, c'est une des théories qui fait qu'en fait, les gens restent souverains d'eux-mêmes, mais organisent la société quand même. Bref, c'était pas là-dessus que je voulais m'en aller. Moi, je voulais parler de souverainisme québécois, en fait. Même pas de ma faute, en plus, ce coup-là. Ta face. C'était la faute à ta face. Et merde. Mais donc c'est ça. Fait qu'on parle de souveraineté. La souveraineté, dans le fond, le souverainisme, c'est un peu dire qui décide pour tout le monde. C'est un peu ça, dans le fond, c'est se poser cette question-là. Donc, le souverainisme québécois, c'est quoi? Ben, c'est de dire qu'on veut avoir plus de pouvoir au Québec par opposition à plus de pouvoir à Ottawa. Donc, techniquement, un fédéraliste, comme par exemple, puis là, c'est parce qu'il faut comprendre aussi que les mots sont un peu, comme Gérard Bouchard le disait dans ses ouvrages, il y a les mythes nationaux qu'on appelle, c'est-à-dire la valeur un peu qu'on donne aux mots. T'sais, souveraineté au Québec, ça a peut-être une valeur plus émotionnelle, plus forte, mettons, que ce que je vais dire là. Mais théoriquement, un souverainiste québécois pourrait très bien être fédéraliste et seulement considérer que, pareil, puis le bon exemple, en fait, présentant, puis c'est rare que j'ai dit ça, le bon exemple, puis ce que je vais dire, c'est la CAQ, en fait. Parce que la CAQ se dit, en quelque part, fédéraliste, mais nationaliste. Nationaliste dans le sens qu'ils disent, oui, on veut rester dans la Fédération canadienne, mais on aimerait rapatrier beaucoup plus de pouvoir au Québec. Donc, ça serait ça, un souverainisme québécois, ça serait vraiment de dire, on veut avoir plus de pouvoir au Québec. Est-ce que c'est en restant une province? Est-ce que c'est en devenant un pays? Ça, c'est... une formalité. C'est une formalité, en fait. C'est une nuance, contrairement à, mettons, un indépendantiste québécois. Là, c'est différent, parce que là, un indépendantiste, ben là, ça veut vraiment dire... Non, notre seul moyen qu'on accepterait que le Québec soit souverain, c'est si le Québec devient un pays souverain, et non une province canadienne. Fait que là encore, je veux pas faire le débat ici. C'est pas ça le propos. Là encore, je veux faire une description de ce qu'il y en est. Bon, pour ce qui est au Québec, ben, c'est le nœud de la guerre, en fait, les raisons pour lesquelles on se demande, on voudrait plus de souveraineté ou on voudrait être indépendant, c'est ce qu'on appelle les demandes historiques du Québec. C'est un ensemble de demandes que le Québec a formulées pour rentrer dans la Fédération canadienne qui n'ont jamais été reconnues, en fait. Des demandes comme le fait d'être reconnu comme un des peuples fondateurs. Dans la Constitution canadienne, c'est écrit que le Canada est fondé par un peuple fondateur et par les Premières Nations. Puis on fait abstraction du fait qu'il y a aussi le peuple fondateur francophone québécois qui, à l'époque, représentait la moitié du territoire et de la population, pour maintenant un peu moins du quart. Mais que, bon, c'est ça. Il y a le fait de, bon, évidemment, posséder plus de souveraineté, c'est-à-dire plus de pouvoir sur... la taxation, la perception des impôts, le choix des immigrants. Il y a certaines choses qu'on a, mais il y a certaines choses qui accrochent encore. Parce qu'on pourrait, à l'inverse, comme disons certains pays du Royaume-Uni, avoir une totale souveraineté être un pays, mais dédier notre souveraineté, remettre notre souveraineté à, disons, le Royaume-Uni. Ouais, ça, c'est des sortes de demi-mesures. C'est, y a, entre autres, il y a du confédéralisme là-dedans, mais c'est qu'en fait, ce qui se fait au Royaume-Uni, ça ils sont quand même... Il y a beaucoup de décisions qui sont quand même prises à Londres, malgré le fait que les pays ont leur propre... Mettons comme l'Écosse ont leur propre parlement. C'est un état aussi que c'est des États indépendants, mais qui ne seront pas totalement souverains. C'est l'Écosse inverse de ce qu'on disait tantôt, le Québec pourrait rapatrier les pouvoirs, mais faire partie de la Fédération canadienne. Ben en fait, ça revient exactement au même. C'est ce qu'on pourrait appeler de la Confédération, mais en fait, l'Angleterre, c'est beaucoup plus centralisé que l'impression que ça en donne, en fait, dans les faits. Une des raisons de ça, c'est que le système vraiment britannique, il y a beaucoup de non-écrits comparativement à ce que nous, on fait, par exemple, ou ce qui se fait en France, ou en fait, dans pas mal tout le reste de l'Europe. Il y a beaucoup de règles non-écrites. Ce qui donne qu'au bout du compte, en fait, les pays membres de la Grande-Bretagne, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, ils se sont négociés vraiment des pouvoirs à la pièce. C'est pour ça que l'Irlande et l'Écosse n'ont pas les mêmes pouvoirs. Si on compare ce qu'ils font, ils n'ont pas la même équivalence. Contrairement, mettons, nous autres, que les 10 provinces ont à peu près les mêmes droits. En fait, ont exactement les mêmes droits et les mêmes pouvoirs. C'est juste qu'il y a certains pouvoirs qu'il y a juste le Québec qui en profite, dans le fond. Un exemple, en fait, c'est l'Agence du revenu. Toutes les autres provinces laissent ça entièrement aux mains du fédéral, tandis que nous autres, le Québec, on a notre propre agence du revenu, ce qui est d'ailleurs une des demandes traditionnelles du Québec, c'est de ne plus avoir du tout à avoir affaire à l'agence du revenu fédéral et de seulement avoir Revenu Québec, dans le fond. Puis que Revenu Québec, une fois toutes ces affaires faites, fait un gros chèque au fédéral, puis ça finit là, notre contribution. Ça, c'était pas déjà fait en grande partie par les conservateurs? Non, en fait. Je crois que tous les impôts fédéraux maintenant sont faits par l'agence du revenu. Ça s'est discuté, mais ça n'a jamais été fait. D'accord. C'est une des choses qui accroche d'ailleurs. Un autre exemple de ça aussi, ce qu'on a, on va appeler ça des compétences partagées souvent, c'est comme pour l'immigration, entre autres. Donc, je suis parti sur une grande chiffre, fait que je vais ramener ça vite. Ça, dans le fond, c'est ça, le Québec, on a des demandes précises qui ne sont pas rencontrées dans le Canada, puis c'est ça le souverainisme québécois, dans le fond, c'est de continuer à mettre de l'avant ces demandes-là. Par opposition à l'Union européenne, que ça, c'est des pays qui se sont alliés entre des pays souverains, qui restent souverains, qui se sont alliés entre eux autres pour certains dossiers en particulier, surtout les dossiers d'échange de travailleurs, d'échange de ressources, ainsi de suite, qui se sont alliés de leur plein gré, pour créer l'Union européenne, dans le fond, mais ça reste des pays souverains. Puis c'est là que Mme Le Pen est dans le champ, parce que c'est pas du tout le même combat. Leur combat, eux autres, c'est pour revenir en arrière sur une forme de concertation plus, qu'on pourrait dire, protectionniste, mettons, par exemple. Vraiment plus se refermer sur eux autres mêmes, rester dans leurs propres petites affaires, puis pas se mêler de la communauté européenne. Donc, c'était tout. Puis, en fait, c'était tout pour mon lexique du prof Gartin. Puis, je voulais qu'en fait qu'on prenne les dernières minutes pour parler rapidement. Tu parlais tantôt de Richard Martineau, entre autres, qui a fait du dog whistling, qui était en fait plus du dog whistling, mais carrément de l'appel à la haine. Carrément. Dans le fond, il a écrit que lui et le maire Labeaume, presque à une journée d'intervalle, ont dit que les Québécois devraient s'en prendre à des mosquées radicales, ce qui est un peu drôle parce que pointez-moi du doigt une mosquée radicale. Donc, ça revient à dire attaquer les mosquées, s'il vous plaît, parce que, bon, de toute façon, on avait eu l'année passée le travail d'enquête à Radio-Canada qui avait justement infiltré, qui avait beaucoup de mosquées qui avaient des réputations plus radicales, qui étaient allés voir, puis que finalement, il avait découvert que la plupart du temps, quand il y a des gens qui semblent se radicaliser dans ces mosquées-là, la mosquée elle-même dénonce au SPVM ou à la SQ ces gens-là. Donc, une mosquée radicale... Point d'interrogation, est-ce que en ça fait, existe vraiment? Bien, premièrement, le terme radical, on s'entend dessus qu'on on le met à toutes les sauces, là. Effectivement. C'est un mot qui veut un peu rien dire en soi. Fait que tu dire que cette mosquée-là est radicale, oui, mais radicale de quoi exactement? C'est-tu, justement, comme tu dis, c'est des individus qui fréquentent la mosquée qui se radicalisent. Puis on est comme porté à faire un lien. Là encore, peut-être, c'est peut-être un peu notre héritage chrétien de dire que nous, par le passé, ce qui radicalisait les chrétiens, bien, c'était d'aller à l'église, c'était le curé qui y haranguait, puis tout. Mais c'est parce que l'islam, ça marche pas comme ça nécessairement. Les gens gardent une plus grande indépendance par rapport à leur foi. C'est plus comparable au protestantisme, disons. C'est ça. Il y a les chiites, les sunnites, que c'est un peu différent, mais généralement, l'imam est plus un guide que, tu sais, de la personne dans la foi, peut aider la personne dans sa foi, va faire des prises de position publiques, mais généralement, un musulman a sa propre conscience à lui puis n'a pas à suivre le groupe. Et les mosquées, d'ailleurs, contrairement, c'est pas juste un centre de rituels religieux comme nos églises catholiques, par exemple. C'est plus un centre communautaire. C'est plus un centre communautaire. En fait, les gens vont là pour discuter. Oui, l'imam va faire des sermons, mais c'est pas juste ça. C'est pas aller faire... puis tu sais, c'est pas aller faire de la bondieuserie, comme on disait au Québec. C'est pas aller faire des rituels puis tout. Oui, il y a de la prière, évidemment. Il y en a un peu quand même. Mais il y a tout l'aspect de discussion entre eux autres. Fait que bref, là encore, c'est de la grosse ignorance crasse. D'ailleurs, tu me parlais pendant la pause que tu avais une belle citation du fameux imam radical qui fait donc peur. Oui, Adil Sharkawi. C'est pas mal l'imam radical par excellence au Québec. Il m'a fait rire sur Facebook, il écrit « Après les 500 000 $ pour le centre anti-radicalisation de Nicodère et le 400 000 $ que le gouvernement du Québec a donné au Collège de Maisonneuve pour appuyer des mesures d'appui au vivre ensemble, il dit « Plusieurs maires et directeurs d'établissements scolaires doivent rêver en secret du jour où je vais venir louer leurs locaux pour mes diverses activités. » Ça m'a bien fait rire. Donc, l'imam radical contre l'austérité. C'est quand même drôle. Effectivement. Puis, mais je tiens à dire, je n'endosse pas les propos misogynes et tout de Sharkawi. C'est juste ce commentaire-là qui m'a fait rire. Des fois, on se demande s'il ne fait pas juste faire, en fait, pareil comme nos Richard Martineau et autres guerriers de la laïcité, puis qu'il ne fait pas juste, en fait, faire du gros populiste sale pour faire parler de lui, puis c'est tout, là. Non, évidemment. Est-il si misogyne que ça dans la vraie vie? On se le demande. Aucune idée, espérons que non, mais bon, de toute façon. C'est ça un peu le problème avec la démagogie, c'est qu'à un moment donné, cette fausse information-là qui circule, c'est qu'on ne sait plus à quoi s'en tenir, en fait. Effectivement, je sais que j'ai vu cette semaine passée, il y a un cégep à Montréal, où est-ce que les étudiants de confession musulmane allaient en dessous de la cage d'escalier pour faire leur prière, puis ils ont bloqué l'accès à cet endroit-là parce qu'on va les empêcher de prier. Évidemment, ils ne se radicaliseront pas. Hein, ils ne se sentiront surtout pas stigmatisés. Oui, c'est ça. C'est complètement ridicule. surtout que ça dérangeait absolument personne. Là. La photo a circulé, puis c'est un escalier qui mène à un placard à balai dans un sous-sol. Là. Il ne dérange absolument personne. Là, exact. Mais puis là, en même temps, là, on se dit « Ah, mais là, ils vont se cacher dans un coin pour faire leurs affaires. » Mais tu sais, s'ils le font devant les autres, ben là, ça offusque tout le monde. Fait que qu'est-ce que tu fais à m'amener? Oui, d'ailleurs, Dominique Morev, là, peut-être 2-3 semaines, avait publié une photo. Il y avait un ou deux musulmans qui étaient en train de prier dans un stationnement de Tim Hortons, un grand stationnement. Puis bon, il y avait un stationnement, il avait juste déroulé un petit tapis, puis ils faisaient leur prière. Bien, il y avait circulé la photo. Puis partager, faut pas laisser faire ça. C'est comme, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Honnêtement, qu'est-ce que ça change dans ta vie? C'est comme, oh mon Dieu, j'ai vu une prière, je suis rendu musulman. Mon Dieu, je vais aller me faire exploser. What the fuck? Ça montre que ces gens-là sont vraiment très influençables, en fait. Ils pensent que juste le fait de voir amener un rituel religieux qui n'est pas de leur bon... parce que là, on s'entend, là, ils vont pas se dire catholiques dans la vie, mais ça les offusque pas pantoute qu'il y ait des croix au-dessus de l'Assemblée nationale et ces affaires-là, là, par exemple. Ça les écœure pas. Mais tu sais, je vois qu'il y a d'autres cultures que la mienne. Ça fait mal. Ça fait mal à mes yeux. Ah, c'est dur, l'ignorance. Ah, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça, d'ailleurs, je me rappelle plus si je l'ai dit à l'émission ici, mais il y a un YouTuber américain qui s'appelle John Green, j'aime bien ce qu'il fait. D'ailleurs, lui, il est écrivain, puis il a un channel YouTube avec son frère, il discute un peu justement de société, puis tout ça, puis il fait aussi des conférences. Puis dans une de ses citations qui l'a rendu un peu célèbre à lui, c'est qu'il dit, je vais vous expliquer, là, puis là, je paraphrase, là, en français, évidemment, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis pour qu'on finance l'éducation, même si moi, j'ai pas d'enfant, c'est que je refuse de vivre j'ai pas envie de vivre dans une société peuplée par des ignorants. Bien dit. Voilà. Donc, sur cette magnifique citation de John Green, ça va être tout pour cette semaine. On va être en rediffusion samedi à 9h et en balado-diffusion du moment que je peux m'en occuper. Donc, à cet effet-là, surveillez notre page Facebook. Je vous remercie, cher public. Lucas, on ne sait pas, avec le Zone Campus, on a appris aujourd'hui qu'il y aurait un dernier numéro, je crois. Oui, un dernier numéro, mais il n'y en aura pas pour le mois prochain. C'est ça. Donc, on te lit dans l'ultime numéro du Zone Campus de cette année. Puis moi, je passe plus à assemblage requis parce qu'on tombe sur l'horaire à la radio, on tombe sur l'horaire d'été plus rapidement dans certaines émissions. Donc, ça va être pas mal juste le jeudi 13h. C'est ça. Revenez-nous la semaine prochaine pour jeudi 13h pour une toute nouvelle émission de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission qui trouve que la vie est absurde. Merci.